Peuple, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré. Dans votre nuit, sans lui complète, lui seul a le front éclairé. Des temps futurs perçant les ombres, lui seul distingue en leur flanc sombre le germe qui n'est pas éclos. Homme, il est doux comme une femme. Dieu par la voix basse à son âme, comme aux forêts et comme aux flots. C'est lui qui, malgré les épines, l'envie et la dérision, marche, courbé dans vos ruines, ramassant la tradition. De la tradition féconde sort tout ce qui couvre le monde, tout ce que le ciel peut bénir, toute idée, humaine ou divine, qui prend le passé pour racine, a pour feuillage l'avenir. Il rayonne, il jette sa flamme sur l'éternelle vérité. Il la fait resplendir, pour l'âme, d'une merveilleuse clarté. Il inonde de sa lumière ville et désert, l'ouvre et chaumière, et les plaines et les hauteurs. À tous, d'en haut, il la dévoile, car la poésie est l'étoile qui mène à Dieu, rois et pasteurs.